Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Laisse-moi te dire que le mot impossible n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Est-ce que tu comprends? Même si les gens t'ont dit qu'avec ton niveau scolaire, tu ne peux pas accéder à tel poste de responsabilité, mais le Seigneur te dit c'est possible. Je veux parler à une femme. On t'a dit que ta maladie est dans une phase terminale. Tu es désespéré. Les gens te disent qu'il faut faire le testament. Moi, je te dis, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. C'est possible. Le Seigneur Jésus est capable de te guérir. Reprends encore courage. Même si les médecins ont dit, Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Il va te faire lever. Tu vas te lever encore de ce lit. Tu vas sortir de cette maladie. Tu vas témoigner. Et le monde, ta famille, reconnaîtra qu'il y a un Dieu qui est puissant. Continue à faire tes plans. Ton commerce va continuer au nom de Jésus. Nous sommes à OSP. Réveille-toi. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSP. Opération sous la brèche. Juges chapitre 3, verset 1 à 11. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Juges 3, 1 à 11. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les habitants de Canaan, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, les Éthiens, des Amoréens et des Périsiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan, Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan, Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan, Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan, Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Amen. Nous allons partager trois vérités qui vont inspirer nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Dieu peut utiliser l'adversité pour nous former à devenir des guerriers. Je veux parler à un frère, à une sœur. Écoute-moi bien. Toi, tu te plains, tu dis, je ne comprends pas. Ces derniers temps, j'ai toujours des combats. Depuis que j'ai décidé de servir le Seigneur, de m'engager vraiment dans l'œuvre de Dieu, j'ai vu toujours des combats. Tu es tombé malade, et puis tu t'es relevé. Il y a encore un autre problème qui est arrivé à la maison. On vous a volé. Il y a toujours des problèmes comme ça, des blocages. Laisse-moi te dire que Dieu veut te former. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier que le Seigneur va utiliser pour déstabiliser le camp de Satan. Tu es une plaque tournante dans ta famille. Est-ce que tu sais que c'est par toi que Dieu veut passer pour relever les grands défis dans ta famille, pour libérer les membres de ta famille qui croupissent sous les jougs de puissance satanique et de puissance de la sorcellerie? C'est pourquoi Dieu est en train de te former. N'aie pas peur. Regardez ici ce qui est dit au verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa. Dieu a laissé ces nations. Pourquoi? Pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Donc cette génération, non seulement c'est une génération qui n'avait pas connu le Seigneur, mais on dit, ils n'ont pas connu la guerre. Et le verset 2 précise, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Vous voyez les deux verbes? Connaître la guerre, apprendre la guerre. Aujourd'hui, il y a même certaines églises où les gens ne croient pas au combat spirituel. Lorsque tu ne crois pas à ces choses, Dieu va te mettre dans des situations où toi-même, tu vas te rendre compte que le combat spirituel est une réalité, que les démons existent. Il y a des phénomènes que nous ne pouvons pas expliquer, où les gens disent non, lorsque quelqu'un tombe, c'est parce que c'est la chaleur, il a suffoqué, on doit les laisser dans l'air libre, alors que ce sont des envoûtements, on ne veut pas reconnaître. Le Seigneur va te mettre dans des situations où toi-même tu vas te rendre compte qu'il y a des situations qui ne peuvent être débloquées que par la prière. Parfois la prière accompagnée du jeûne. Est-ce que tu comprends? Il veut que tu puisses apprendre la guerre, apprendre à te lever dans la prière. Je veux parler à une femme. Écoute-moi bien. Tu te plains beaucoup. Tu as entendu que ton mari commence à sortir avec d'autres femmes et toi, au lieu de te mettre dans la prière, tu commences à dire, moi aussi je vais retourner chez moi. Ce n'est pas ça la solution. Dieu veut que tu sois une femme de prière, que tu apprennes à jeûner pour ton mari, que tu apprennes à prendre au sérieux la vie chrétienne, au lieu d'être distraite, à suivre la télé, à lire les journaux du matin au soir, à commencer à bavarder, à t'énerver. Tu dois apprendre à te mettre à genoux parce que c'est par toi que ton mari va voir la puissance divine. Est-ce que tu comprends? Dieu veut que tu apprennes et que tu puisses connaître la guerre. C'est, même dans les domaines militaires, c'est comme ça qu'on fait. Il y a ce qu'on appelle les manœuvres militaires. Donc, il faut une situation comme s'il y a l'adversité qui est là. Les manœuvres militaires. Dieu est en train de te former. Si tu n'es pas dans une situation d'adversité, comment sauras-tu que Dieu est un Dieu tout-puissant? Il faut qu'il y ait un combat. Deuxième vérité. Faisons attention à la compromission. Vous voyez, lorsque nous vivons dans un milieu où il y a ce qu'on appelle le païen, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, faisons attention. Notre devoir est de les évangéliser, de leur apporter l'évangile. Et si vous ne jouez pas votre rôle, c'est eux qui vont t'évangéliser. Vous voyez, il y a un danger. Je vais avertir un frère, écoute-moi bien. Il y a une jeune fille avec qui vous étiez au collège, que tu commences à fréquenter, mais écoute-moi bien. Si tu ne fais pas attention, cette jeune fille va te faire tomber dans l'immoralité. Au lieu de l'évangéliser, donc c'est elle qui va t'évangéliser, entre guillemets, te faire retourner dans le monde. C'est pourquoi il faut faire attention, même au niveau du travail. Lorsque tu vis dans un milieu où il y a des mystiques, des occultistes, mon ami, fais attention de ne pas imiter leurs pratiques. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des lumières du monde. Les enfants d'Israël ont vécu au milieu des Cananéens. Comme ces gens-là adoraient leur divinité, ils adoraient Baal, ils adoraient Astarté, et aussi ont commencé à imiter. Et cela a commencé par des alliances de mariage. Il est dit au verset 5, « Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Périsiens, des Héviens et des Jébusiens. » Verset 6, « Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. » Vous voyez, l'alliance là du mariage est souvent suivie par l'idolâtrie. C'est-à-dire, si tu veux t'allier en mariage avec une femme qui est sorcière, qui en est la sirène des eaux, elle peut t'entraîner aussi à commencer à adorer d'autres divinités. Vous voyez, c'est dangereux. C'est pourquoi l'alliance du mariage, c'est une alliance qu'il faille prendre au sérieux. Ne te marie pas avec n'importe qui, ma sœur, à cause de l'argent. Tu dois examiner si réellement la personne connaît le Seigneur. La Bible nous dit, quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus-Christ et Bélial? Beaucoup de gens se sont égarés loin de la foi à cause d'un mariage qui est basé tout simplement sur les intérêts matériels. Troisième vérité, quand nous vivons des moments de détresse, crions à l'Éternel et il nous suscitera un libérateur. Dans chaque génération, Dieu se sert toujours des hommes et des femmes qu'il a oint, qu'il a mis à part pour relever les grands défis. Et je vais parler à quelqu'un. Dans ta famille, Dieu t'a choisi. Même dans ta communauté où vraiment il y a comme une sorte de léthargie, ta communauté, on sent même que l'Esprit de Dieu peut-être n'œuvre plus. Il y a beaucoup de problèmes de gens qui vivent dans l'immoralité, des ivrognes. Dieu a mis en toi un fardeau pour relever ces défis-là. Dieu a mis en toi. Donc tu es comme ces juges, ces libérateurs que Dieu suscitait. Vous voyez ici, il est dit au verset 9, « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fille de Kenaz, frère de Kadé et de Caleb. » Tu es peut-être la réponse de Dieu. Lorsque les gens prient pour relever des défis au niveau de ton pays, de ton église, peut-être que c'est toi la réponse, c'est toi les Othniel que Dieu a suscité pendant ce temps pour délivrer tout un peuple, pour délivrer ta famille. Est-ce que tu comprends? Et les caractéristiques d'un libérateur ici, c'est quoi? L'Esprit de l'Éternel doit être sur lui. Le verset 10 dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. C'est pour dire que ce travail de libérateur, on ne le fait pas avec ses propres capacités. Il faut que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Il faut que tu reçoives une onction particulière pour accomplir cette tâche. Et lorsque l'Esprit du Seigneur est sur toi, lorsque tu iras à la guerre, Dieu va te livrer tes ennemis. Est-ce que tu comprends? On dit, l'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishéataïm. Et troisièmement, le libérateur, c'est celui qui apporte le repos. Oui, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur t'a positionné pour que tu apportes le repos à tes amis qui sont autour de toi, pour que tu apportes le repos à ta famille qui est agitée, où il y a toujours des morts en cascade, des morts d'une manière cyclique. Oui, par toi, la délivrance va venir. Prends au sérieux la mission que Dieu t'a donnée. Il t'a positionné pour cette génération, pour ce temps-ci. Donc, tu dois être conscient de ta tâche et prendre au sérieux ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, il n'a pas dit. Gloire à Dieu. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur. Lui qui nous a gardés toute la nuit. Lui qui nous a choisis. Lui qui nous suscite des libérateurs. Élevons nos voix. Bénissons-le. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre texte, c'est Juges 3, 1 à 11. Nous venons de voir que Dieu peut utiliser l'adversité pour nous former à devenir des guerriers, des guerrières dans la prière. Nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que tu vis des moments de combat où tu commences à te sentir vraiment fatigué, découragé. Tu as même peur. Tu penses que tu vas mourir. Non. Le Seigneur est en train de te former. Tu vas dire, Seigneur, forme-moi davantage. J'aimerais être du côté des vainqueurs. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Que tu puisses triompher sur l'adversité. Que tu puisses triompher sur les ennemis. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Très excellent Père, ce matin nous te bénissons, nous te glorifions et nous te magnifions. Toi qui exerces nos doigts à la bataille et nos mains au combat, nous te rendons grâce parce que tu es l'Éternel des armées. C'est toi qui donnes la force à celui qui est faible. Tu relèves celui qui tombe en défaillance. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour tous ceux qui traversent des adversités, ceux qui passent par des moments de difficulté. Et nous demandons ô Père éternel que dans cette faiblesse, dans cette douleur, dans cet abaissement, tu puisses les relever. Tu puissent renouveler leur force. Tu as dit dans ta parole que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Nous demandons au Père éternel que tes fils et tes filles qui traversent des moments de difficulté, les rencontrent, les trouvent comme une épreuve et qu'ils tirent leur force de cette adversité. Dans le nom de Jésus, tu as dit dans ta parole que de la poussière, tu retires le pauvre, du fumier tu retires l'indigent, pour le mettre à la place des rois. Merci Père éternel, parce que nous avons l'assurance que nos frères, nos sœurs, qui passent par des moments de difficulté, ont ton soutien, ont ton appui, et que tu les releveras au moment opportun. En ce moment, qu'ils puissent capitaliser de ces défis. C'est au nom de ton fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons faire attention à la compromission. Lorsque nous vivons dans un milieu où il y a des païens, des gens du monde, faisons attention. Nous devons briller pour les gagner à Christ et non pas imiter leurs abominations. Prions pour tous les chrétiens qui vivent dans des milieux difficiles, surtout dans les milieux politiques, qui occupent des postes de responsabilité, que Dieu les préserve, afin qu'ils demeurent fermes, afin qu'ils ne puissent pas se compromettre. Prions pour tous ceux qui cherchent des femmes, des maris, afin qu'ils ne puissent pas faire des alliances qui peuvent les compromettre loin de Dieu, et qu'ils restent fermes dans la foi. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu, notre Père. Quand tu priais parce que tu devais partir, tu as demandé au Seigneur de ne pas nous enlever du monde, de nous préserver du monde. Et nous sommes plusieurs qui travaillons dans le monde, qui avons des activités, qui avons des choses, qui devons avoir des relations avec des personnes qui ne vont pas à l'église. Et nous croyons que notre Dieu, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi tu pouvais dire à Timothée, 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Seigneur, nous sommes dans un milieu où la loi n'est pas respectée, où l'éthique n'est pas respectée, où la chrétienté n'est pas respectée. Nous sommes la lumière du monde. Nous avons besoin de toi. Que ta parole soit inscrite sur notre cœur. Que Saint-Esprit nous inspire chaque jour de la vie, afin d'être vraiment des modèles. Nous avons besoin de toi. Qu'on cherche du travail, à ne pas faire des compromissions pour avoir la promotion, pour avoir certains privilèges. Nous voulons être attachés à toi, dans la prière, dans la foi, en faisant correctement notre travail dans la fidélité. Sois béni, sois magnifié parce que tu vas nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions l'Éternel, afin qu'il nous suscite des libérateurs. Prions l'Éternel pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, afin qu'il suscite des Othniel, comme il a fait au temps des juges, des personnes sur qui l'Esprit de l'Éternel repose pour libérer son peuple, pour libérer leur famille, pour libérer leurs amis, au nom de Jésus. Et si c'est toi-même, tu vas prier pour dire, Seigneur, fais de moi ces Othniel-là, pour libérer ma famille, pour libérer mon peuple, pour libérer mon pays. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu n'es pas mort, tu es vivant. Et Jésus-Christ est vivant. Il nous a donné la vie. Il nous a donné une parole. Il nous a donné la Bible. Et la Bible dit, dans Josué 21, verset 45, « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Toutes ces paroles se sont accomplies. Seigneur, sur chacune de notre vie, tu as envoyé une parole. Tu ne nous as point appelés, oui, à l'impureté, mais à la sanctification. Merci pour ton esprit. L'esprit qui est sur Othniel est sur nous et tu suscites au milieu de nous des libérateurs. Tu suscites des Moïse. Tu suscites, ô Jésus-Christ de Nazareth, des Abraham. Tu suscites des Jephté. Tu suscites effectivement des Othniel qui vont se lever, pour conduire une multitude dans la bénédiction, pour entraîner une multitude dans la grâce, pour faire sortir une multitude de la force. Merci Saint-Esprit, parce que ce matin, nous prophétisons sur chacune des âmes dans chaque maison que l'Esprit qui était sur Othniel est envoyé maintenant, afin que quelqu'un soit suscité dans sa famille pour être Othniel, pour faire sortir sa famille des ténèbres, pour faire sortir sa famille, oui, des influences négatives, pour faire sortir sa famille des liens parentaux. Père, merci, parce que l'esprit d'Othniel est répandu sur nous, et nous sommes des géants, et nous sommes des vivants, et nous sommes dans la gloire que tu as prévue pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous aurons demain dimanche 22 mai notre rencontre Bonheur Conjugal pour les célibataires. Nous aurons un enseignement important qui nous montre comment persévérer jusqu'à ce que le projet de mariage soit possible. Nous verrons les clés de la persévérance et de la victoire pour posséder le mariage. L'entrée est libre. Deux services, le premier à 16h, le deuxième à 18h. Au revoir et à la fois prochaine. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration.